te dire quel était mon désir. Ces mots t'ont tout seulement effleuré. Maintenant, je ne peux plus m'emmerder. Oui, ne plus rien laisser passer. Ne plus rien laisser passer. Je trouverai bien tout en faire pour pouvoir m'en passer. Maintenant qu'on se retrouve tous deux, on met les poings sur les i, on voit bien les ennuis de cette histoire rocambolesque. Moi je préfère l'ivresse d'un bon vieux canon sans caresse. Un canon sans caresse. Et si je me suis trompé, tu pourras t'en aller. Yeah.